êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui est Assemblage requis. On reçoit l'artiste Michel O et le groupe Civil and the Bad Habits, oui, en entrevue et en performance. On reçoit François Landry qui nous parle de politique. Tout ça et plus tout de suite à Assemblage requis. Assemblage requis. Aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis en ce jeudi 27 septembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. On est en direct des studios 6 fois à Trois-Rivières, notre petit studio qui va être envahi par les vedettes aujourd'hui. Oui, exactement. Hey, deux entrevues ce matin. Pour le prix d'une seule. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, écoute, peut-être prestation live, en tout cas une certaine. Au moins, Civil and the Bad Habits, que j'ai tout le temps envie de dire Bad Seeds, je sais pas pourquoi. Bad Seeds. Ah, ça fait méchant. Donc, Civil and the Bad Habits, ça va être vers les 8 heures tout à l'heure. Avant ça, en première heure, François. Vers 7h15, c'est ça, on reçoit, comme tu disais si bien, dans l'entrée. Je l'avais pas raté, ça, là. Non, tu l'avais pas raté. Michelot, qu'on va recevoir ici en entrevue, qui donne d'ailleurs un spectacle ce soir au côté, du côté du Zenob. Oui. Trois-Rivières. Ben oui. Super. Aussi dans l'émission d'aujourd'hui, François Landry, notre rock star de la politique, qui va faire sa chronique Logocratie 101. Vous savez, il parle de politique à chaque semaine. Et cette fois-ci, son sujet... Les chefs! Les chefs! Pas les chefs de cuisine, là. Pas comme l'émission Les Chefs à Radio-Canada. Et à tous les autres postes, mais avec un autre nom. Ouais. Non, pas du tout. Donc, ce sera à 8h30 vers la fin de l'émission, mais on va se passer un petit peu de musique autre comme ça avant de recevoir Michelot. Donc, on écoute Madame Moustache, une nouvelle entrée du palmarès francophone. Voici Maison Mobile. C'est fou. On vous arrête. I see this happening is in an extended ride north.

Metric et Youth Without Youth. À Assemblage requis, il est 7h49 minutes. Tout à l'heure, on a eu la chance de recevoir Michelot en entrevue. On a donc aimé ça. La sympathique, ouais, tout à fait. Très sympathique, bravo. Super belle voix, d'ailleurs. Et on rappelle que son spectacle est ce soir au Zénob à 20h. Dans quelques minutes, on va parler avec Civil and the Bad Habits. Une autre entrevue avec une autre performance live. Oui, et un autre spectacle ce soir. Oui, beaucoup de choix à faire ce soir. Pour l'instant, on va entendre Dumas avec L'heure et l'endroit. Ça, c'est fou. 9-1. Parfait. Dis-moi ce qu'il faut dire. Dis-moi l'amour à nu. Dis-moi le temps perdu. Dis-moi, doit-on en rire? Galaxy est la pièce Requin et Tigre sur l'album Tigre et Diesel. Assemblage requis, c'est la fin de la première heure. On se retrouve tantôt dans deux minutes et quelques avec qui donc, François? Civil and the Bad Habits en prestation ici. Assemblage requis. Oui, et ça résume notre vie aussi, les mauvaises habitudes. À l'émission, dans la technique et dans le... Quand je parle, je fais des mauvaises blagues. Ben des mauvaises... Ben non, t'es bon, Mathieu. Bon. Arrête donc. Je pêche les compliments. Restez là. C'est fou depuis un bout. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce jeudi 27 septembre 2012. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Oui, et on a un matin, le fun aujourd'hui, c'est le fun des défis comme ça. Ouais, matin chargé. Oui, on avait tout à l'heure Michel Lowe en entrevue, et là, dans quelques minutes, Sever and the Bad Habits. Oui, certainement, les gars sont arrivés même. Oui, ça va bien se passer. On arrange leur siège à la bonne hauteur et les micros au bon endroit. Ouais. Et on revient après. Pour l'instant, on écoute Peter, voici les chemins étoilés. Alors y'a mon taxi, j'écoute

C'est fou. Pour l'écouter. 89 ans. On vient à Assemblage Requis dans deux secondes avec François Landry, mais avant ça, on a oublié de passer l'info campus à 8h, François. Ah oui, c'est vrai. On joue ça, ça commence aujourd'hui, en fait, c'est sa première fois. Il joue pas à bonheur. Habituez-vous, ça va être demain peut-être. Non, ça va être à 8h. À 8h. Voici maintenant votre capsule Info Campus. Il y aura un tournoi régional de badminton à Trois-Rivières le dimanche 14 octobre prochain au CAPS de l'UQTR. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire jusqu'au 7 octobre par courriel au bad@uqtr.ca. Le coût est de 22 $ par personne et il y aura de nombreux prix de présence. L'ensemble vocal de l'UQTR donnera un récital littéraire de glace et d'espace le 30 septembre prochain à 15h. Il sera possible de découvrir la Nouvelle-France à travers les lettres de la mère de la colonie française et les textes de poètes québécois comme Vigneault, Leclerc et Léveillé. Les billets sont disponibles au coût de 15 $ auprès des choristes de Levée UQTR ou à la porte le soir de l'événement. L'ensemble vocal de l'UQTR est en pleine période de recrutement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le uqtr.ca/ensemble-vocal. Il y aura une levée de cours le mercredi 3 octobre prochain afin de permettre aux étudiants de participer à l'Assemblée générale de l'Association générale des étudiants. Les cours seront suspendus de 13h30 à 17h. Prenez note que les stages, les cours en laboratoire et les internats ne sont pas affectés par la levée de cours, ainsi que les plages horaires où un examen ou une remise de travail est prévue à l'horaire. C'était la première fois qu'on écoutait l'Info Campus cette session-ci. C'était notre capsule Info Campus. C'était vraiment bon. C'est parti! C'est parti! Le voilà, maintenant on sait comment il finit et comment il joue et la musique est bonne. Ah oui, elle est bonne. C'est ça. Voilà, et l'Info Campus, c'est du lundi au vendredi à 8h et à midi. Midi. Sauf le vendredi, c'est vers midi et demi. Genre, dépendant, mais c'est midi et quelques. Voici ce qui s'en vient demain pour l'instant. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Tout croche. Lundi à Assemblage Requis. Sébastien Duhaime continuera son aventure dont vous êtes le héros. Véronique Mire sera avec nous pour, directement du bureau de la réussite étudiante et Alexandra Carignan nous parlera d'art et spectacle. C'est lundi, 7h à Assemblage Requis. Ça n'a pas manqué. Ben non. Hey, il est prêt. Parle pas ça. C'est vraiment n'importe quoi mon affaire aujourd'hui. C'est ici. C'est une grosse émission. Une grosse émission, c'est stressant. C'est stressant. François Landry est là. Assemblage requis. Vigilance auditive nécessaire. Plan inclus. Et maintenant, tout le long de l'émission, on a eu des entrevues, on a eu Michelot, on a eu Sivelle and the Bad Habits, là, mais tout ça n'était que la première partie, comme dans un spectacle, OK, qui mène vers notre vedette à nous, la rockstar de la politique, le comment on pourrait t'appeler, mettons, le politician, comme dans les Pieds en marche. Oui, hey, c'est bon, ça. Politician. Voici François Landry et sa chronique Logocratie 101. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Pompeux. Royal. Royal. Bon matin, François Landry. Bon matin, Mathieu Plante. Bon matin, comment ça va? Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Ouais, disons que j'ai eu des problèmes d'intestin cette semaine. Mais bon, c'est la saison. Bon, parlons-en. Donc, tes problèmes d'intestin, c'était quelle sorte de problème d'intestin? Tu veux pas savoir à quel point c'était liquide. Wow! OK, c'est cool. Ça va couler, donc, la chronique d'aujourd'hui. C'est fluide, comme ça se passe. Ça va donner une couleur brunâtre. On va parler d'une grosse bouillie. Oui, ben le nom de ta chronique aujourd'hui, c'est les chefs. Ben, justement, tout est un lien. Hein? Tout est dans tout, comme dirait Raoul Duguay. Tout est dans tout. Raoul Duguay, ouais. Ouais, tu connais? Mais... Je sais qui, mais je sais pas c'est qui, tu sais. T'habites à Tibi, ça? Ben oui. Ah oui? Entre autres. Quel hit, ça. Oui. Oui. Mais bon, oui, les chefs, et non pas l'émission culinaire qui joue... Moi, je t'assure que tu me parlais de ça. Je me dis, c'est recyclé. Quand je vous ai envoyé le sujet, je dis, j'ai-tu un copyright à respecter, une marque de commerce? Alors ça, je dis, ben, ma chronique, c'est ça, c'est les chefs, parce qu'il n'y a pas de gros événements majeurs que j'aurais aimé vous parler cette semaine. Je dis, je vais en prendre plusieurs petits à place qui sont tout aussi agréables. Puis je vais aller piger à gauche et à droite, au fédéral et au provincial. Comme ça, tout le monde va être content. Parce que oui, je préfère la politique provinciale, là, vous en doutez un petit peu. Oui, mais il faut aller voir aussi du côté d'Ottawa, c'est notre grand cher pays canadien avec ses rocheuses. Faut savoir ce qui se passe là, parce que il y a deux chefs qui se démarquent. Qui se démarquent. Mais... Deux chefs ou deux candidats? Non, des chefs. Des chefs? Je parle des chefs. OK. Parce que... bon, pas des futurs chefs, là. Non, des chefs. Des on prend ça au pied de la lettre, des chefs. Parfait. Stephen Harper, notre cher premier ministre qui a été élu... Le chef des chefs. Le chef, de le top. Le chief. The prime minister, hein, le premier des ministres, en bon français. Ça va pas bien pour Stephen. Comment ça? Écoute... Pas ses intestins, lui aussi. Ça se pourrait qu'il bouge en mange tout une. Mais ça ne viendrait pas de l'extérieur, ça viendrait de l'intérieur, hein, pour continuer dans cette analogie-là. Dans son parti. Dans son parti, ça va pas bien. Hier soir, vous avez certainement écouté, vous qui êtes freak de politique, le vote M... attendez, M312. Tu me connais? Ben oui. Ça pour... CIPAC, quoi, ça? Le fœtus. Pas entre autres. Et, oui, monsieur. Je suis sûr. Il y avait un vote, justement, un vote privé, qu'on appelle. C'est un backbencher. Qui a le droit de déposer un projet de loi. Un projet de loi, exactement. Réouvrir une loi. Et puis, il y a un député d'arrière-ban, vraiment un peu reconnu, M. Woodworth. Woodworth. Il vaut du bois. Woodworth. C'est ça. Lui qui a décidé, moi, je suis l'extrême droite religieuse, puis moi, les femmes qui avortent, je suis pas d'accord. Je suis caricature, mais... Non, c'est ça. Et c'est touché comme sujet, là. Ouais, c'est très touché parce que... C'est pas... Il y a la philosophie qui rentre là-dedans, il y a la médecine, il y a la sociologie, il y a le culturel qui rentre là-dedans, et surtout la politique. La fameuse politique qui vient tout bousiller nos réflexions. Mais hier, c'était un vote vraiment sur la vie. Qu'est-ce qu'un être humain? Ben c'est ça, c'est des vieux bonhommes blancs à moustache qui décident qu'est-ce qu'une femme devrait faire. Voilà, c'est Mathieu. C'est normal. Parce que le débat au Québec est réglé. La femme dispose de son corps comme elle veut. Il y a une loi qui était passée, et au fédéral aussi, la loi Morgan Taylor, célèbre... pas avorteur, mais célèbre médecin du Québec, qui lui faisait dans des cliniques à l'insu du système des avortements illégaux, mais propres. Dans le sens c'était de la médecine qui faisait des avortements. C'était pas un support. À l'époque, c'était des aiguilles, des supports. Et encore aujourd'hui, certaines femmes ont peur d'aller dans des cliniques d'avortement alors que c'est légal d'avorter au Canada. C'est triste. Oui, c'est extrêmement triste. Et lui, M. Woodworth, un backbencher, je le répète, parce que c'est un pur inconnu, surtout au Québec, là, il a décidé, non, l'être humain, c'est quand il y a eu création de l'être humain dans le corps de la femme. Donc, si la femme avorte, c'est un crime contre l'homme. Donc, la femme qui avorte, après un viol, après n'importe quoi, elle pourrait être considérée comme étant une meurtrière. Tueuse, une meurtrière. Mmh. Donc, être incriminée selon le code criminel du Canada. Au Québec, c'était réglé. C'est réglé, ça fait longtemps. Tout le monde respecte ça. Même les députés fédéraux du Québec ont respecté ça. Mais hier, il y a eu un vote, ça a passé. Ça s'est rendu. Mais il faut se rappeler que depuis la loi, l'adoption de la loi, il y a un petit peu moins d'une vingtaine d'années, il y a eu 63 tentatives de faire avorter, sans jeu de mots, la loi. Oui. Donc, 63 tentatives, ça veut dire au moins 3 par année, là. 3 projets de loi, pas directement liés, mais qui auraient des incidences sur la loi. Donc, la loi tomberait invalide à cause d'une autre loi qui serait votée. Donc, c'est pour ça la politique. Ça devient assez compliqué. Ça devient compliqué et dangereux. Dangereux. Dangereux, tout à fait. Écoute, ça fait partie un peu des droits et libertés. Ben oui, c'est ça l'affaire. Oui, hein. La charte à laquelle on tient beaucoup. Mais ceux qui sont contre ces idées-là, c'est bien important pour eux autres, on dirait, de se battre. Hein? Mais ils lâcheront jamais de morceaux. Surtout, Mathieu, tu dis, très important qu'ils se battent, mais le Parti conservateur, lorsqu'il s'est fait élire, a fait la promesse de ne pas réouvrir ce un débat sur la question. Voilà. Et Stephen Harper a dit en chambre, quand le projet de loi a passé en première lecture, donc il faut qu'il y ait en deuxième lecture, puis là, s'il avait été adopté hier, il serait passé en troisième lecture au Sénat, donc là, le Sénat autorise la loi. Autorise ou la rejette? Ouais, ben ils ont le droit, mais habituellement, la chambre... Quand il y a plus de conservateurs... C'est ça. Mais le Sénat, ils vont roupiller, là. T'sais. Ils sont payés pour roupiller. Jacques Damers, c'est là. Ben, c'est ça que je dis, ils roupillent, là. donc, Stephen Harper a dit, moi, je vais voter contre. Mes députés sont libres de voter comme ils veulent parce que dans le système fédéral, donc britannique parlementaire, le premier ministre dit « moi, je vote contre ». Donc, en principe, le parti doit voter contre. Donc, tous les députés, c'est la ligne de parti, doivent voter contre. Mais, Stephen Harper, hier, a dit « ben, pas hier, il a dit pour le vote d'hier, je recommande un vote libre ». Donc, mes députés ne sont pas obligés de suivre la ligne du parti. Une bonne stratégie dans le sens que lui, il se blanchit un peu. Il s'enlève les mains. C'est ça, exactement. Si ça passe, écoute, il peut être d'accord, mais voter contre juste pour bien paraître. Exactement. Et comme ils sont majoritaires, ça veut dire on impose la ligne de parti, la loi aurait passé. Ils sont majoritaires. Donc, il aurait pu faire ce qu'il veut. Dangereux. C'est ça. Ouais. Ben, c'est sûr qu'au gouvernement majoritaire, on a voulu majoritaire. Non, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais dangereux que ça vienne d'un homme. Tu sais. Ben, attends. Là, tu dis c'est dangereux que ça vienne d'un homme, mais il y a la pire dégueulasserie que j'ai vue dans le vote d'hier. Madame Rona Ambrose, qu'on connaît quand même pour sa bêtise humaine. Là. Est reconnue internationalement. Oui. Non, ben, c'est une des ministres les plus connues. Qu'est-ce qu'elle a fait, juste en général? Ben, j'aimerais te le dire. Ok, tu peux pas dire ça. Ben, hier, ce qu'elle a fait. Non, mais je parle de sa vie. Pourquoi c'est une en général? Ah, elle était ministre, elle a été pas désavouée, mais elle a été tapée ses doigts par Stephen Harper pour des propos tenus. Elle était ministre de l'Environnement, puis celle que Mickey Otto à terre. Puis, c'est pas la ministre. Elle a eu une aventure avec Mickey, le ministre de la Défense, qui lui a été muté aux Affaires internationales. Donc, ah ouais, il y a occupation double à Ottawa aussi. Ouais, t'es sérieux? Oui. Et là, Ron Ambrose est ministre de la Condition féminine. Et elle a voté pour la loi. Comment peux-tu faire ça? Ou encore, comment fais-tu ça? Ah, c'est... 3.5 sur 5. Moi, en tout cas... Ah, ben là, par exemple... Là, je te trouve pas très génial. On accorde des notes, mais... 3.5. Ouais, mais c'est une bonne idée, par contre. C'est une bonne idée. Ouais. Donc oui, elle s'est levée en chambre pour voter et là, il y a aujourd'hui plein de pétitions sur le net pour la fête démissionner. Ouais, démission, s'il vous plaît. Condition féminine, puis contre l'avortement. Bon, c'est un sérieux problème à Ottawa. Mais pour revenir au sujet initial, qui est le chef, qui est Stephen Harper, qui est malmené, c'est que lui disait, en me disant, je ne veux pas voter pour la loi, je vais rester assis. En principe, l'influence du chef sur ses troupes fait en sorte que les moutons suivent le berger. Ouais. Donc, si le berger se lève pas, les moutons bougent pas. Mais le problème, c'est que hier, 87 conservateurs se sont levés pour voter pour la loi. Donc, conservateurs, c'est comme conservateurs parce qu'ils ont perdu leurs os. Ils ont perdu leur os. Dans le mot conservateur, ils ont perdu leur os. Comme une femme enceinte qui a perdu ses os. Non, elle, c'est moins 1 sur 5. Merci. Tu fais bien de la ramener sur terre. Ouais, juste c'est pour t'aider, Mathieu. Merci. Je vais pouvoir juger lesquels mettre. Okay, voilà. Donc, 87 conservateurs ont voté pour et 4 libéraux. Parce qu'eux autres aussi, c'était le vote libre. Alors, on s'entend, ils ont juste 35 députés à Ottawa. Tu sais, c'est le 4 ont voté pour. Mais c'est des libéraux qui proviennent de régions tendance conservatrice, mais ils n'aimaient pas le candidat conservateur. T'sais. Ils n'ont pas voté pour le parti, ils ont voté pour le candidat. Ouais. Donc, eux autres aussi, ils ont, le Parti libéral, il y a des chamaillements à l'intérieur, puisqu'ils n'ont pas de chef encore. Ils ont un chef intérimaire qui est Bob Ray, mais qui se fait de plus en plus absent. Ben, qu'on voit jamais, soit dit en passant. D'un, parce que y a le temps de parole est très diminué. Puis aussi, c'est Bob Ray. Écoute, c'est un bon chef, Bob Ray, mais il n'est pas le chef élu, il est un chef nommé. Bob Ray avait l'air quand même sympathique, sincèrement, à première vue. Mais il veut pas se mouiller trop là-dedans parce que justement, il dit « Moi, les peurs de bananes, j'en ai pas besoin. Le parti va assez mal de même que même un magasin de bananes l'autre bord de la rue pourrait nous faire glisser d'ici. » Et ça fait quand même longtemps qu'il est là. Ça fait longtemps que le Parti libéral aussi se cherche un chef. Là. Oui. Ce qui m'amène au deuxième sujet. Okay. Le chef Parti libéral, quand va-t-il être nommé? C'est au printemps prochain, excuse-moi. Au printemps prochain, pas avant? Pas excuse-moi. Non, j'ai pas la date ici. Okay. Je pensais l'avoir. C'est que j'ai une autre date, mais pour vous annoncer le prochain chef du Parti libéral du Canada. Il y a deux candidats en liste. Un qui est extrêmement populaire, puis l'autre extrêmement compétent. Il y a Mark... On va y aller avec le populaire, je pense. Non, on va commencer par le... Ben, les électeurs vont voter populaire, mais le compétent, ce serait Mark Carney, qui est président de la Banque ou de la Réserve fédérale du Canada. Donc, un économiste, une éminence grise, qui, lui, beaucoup de libéraux veulent l'avoir justement pour amener de la crédibilité au Parti libéral. Donc, qui dit Mark Carney crédibilité, dit l'autre, le populaire, aucune crédibilité. Et j'aimerais ça qu'il vienne l'autre. Qui est... Mark Carney, j'aimerais qu'il devienne chef, mais je préférais l'autre candidat, celui qui est très populaire. Ça serait un peu plus coloré, je pense. La méthode Cyrano de Bergerac, là, où le gars intelligent, il s'ouvre ses lignes. Ça aussi. Ça, mais je crois que Justin Trudeau aurait besoin. Parce que c'est Justin Trudeau qui est présentement le favori dans une course non déclarée encore. Mais qui est vu un peu comme le sauveur, d'ailleurs. Oui, c'est l'enfant Messie. C'est l'enfant Messie, c'est bien dit. C'est bien Jésus Trudeau. Ben, ils ont les mêmes... Non, ça devient de là. Ça devient de là. Oui, Justin Trudeau qui, le 2 octobre prochain, donc la semaine prochaine, là, c'est tout proche, va annoncer officiellement qu'il se porte candidat. Écoute, ce qui est le fun au Parti libéral du Canada, c'est que... On en voit de toutes les couleurs, ce qui est bien. T'sais, on a eu déjà Pierre-Yves Trudeau qui était très coloré, très aimé. Il y a même eu une Trudeau-manie dans les années 70. Faut pas l'oublier. Une Trudeau-obsession. Une Trudeau-obsession. Trudeau-obsession, ça a l'air bizarre. En Angleterre, c'était les Beatles. Au Canada, c'était la Trudeau-manie. Wow. On s'entend, même combat, les gars. Même combat. Même combat, oui. Et puis... C'est le 14 avril, j'ai la date ici. 14 avril 2013, Ottawa, l'élection du chef du Parti libéral. C'est vraiment loin, ça va avoir une longue période entre... Oui, donc, et là, c'est le 2 octobre que Trudeau se prononce. Est-ce qu'il va y en avoir plusieurs qui vont y aller aussi ou vont dire, OK, non, on va le saler parce qu'on peut pas? T'as pas tant le goût de te battre contre Trudeau, je pense. Ben, même dans son match de boxe de l'autre fois avec un sénateur conservateur, il a mangé une volée, ce gars-là. Que Trudeau a ressorti, freluquet comme il est. Non. Il est sorti, oui, c'était un freluquet. Tu l'avais-tu écouté, combo? Ben oui. Hey, c'est pay-per-view, ça, c'était quoi? Non, c'est LCN en direct. Ouais, RDSLCN, là, un des postes que. Wow. C'était quand même tard le soir. En tout cas, c'est n'importe quoi. Ouais. Mais Justin Trudeau a quand même trois grosses qualités pour se présenter à la chefferie du Parti libéral. D'un, il est le fils de son père. Vrai. Parce que Pierre-Yves Trudeau a été premier ministre de 68 à 79, puis de 1980 à 84. Donc, autant dire de 68 à 84 qu'il a été premier ministre, parce que pendant 6 mois, il l'a pas été. C'était les conservateurs qui ont été là. Et il est décédé en 2000, mais il a encore une très grosse sympathie envers lui. Il est un des hommes politiques les plus admirés au Canada encore, selon les sondages. Donc, 12 ans après sa mort, il est toujours là. Trudeau, c'est un jeune fringant. Bon, on l'a vu avec le match de boxe, on le voit dans... Qui a surpris tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde misait sur l'autre. Ah oui, avoir pu miser, j'aurais misé sur l'autre et beaucoup de mon salaire. Ouais, c'est ça, moi aussi, je pense. Mais bon, il peut nous surprendre, à moins que ça soit arrangé. C'est comme la lutte. La lutte, c'est true. Ils passent partout, prenez pas de drogue, c'est ça. Ben non. OK, parfait. Donc, et en plus, Trudeau, tu sais, il représente l'avenir du parti. Il est jeune, il est beau bonhomme, faut le dire. Il est beau bonhomme, il a une très belle femme, il a une famille. Il s'exprime bien. Il est parfait bilingue, tu sais, fluide des deux langues dans la même phrase. Tapez ça sur YouTube, allez voir ça. C'est sa carte de Noël, je crois, de v'là 2 ans. Il disait un mot en français, un mot en anglais, un mot en français, un mot en anglais. C'était horrible. Ouais, c'est cute. Non. C'était drôle au début, mais après 2 secondes, tu dis... OK. Je comprends plus rien. T'as compris un peu le principe. Ouais, c'est ça. J'ai compris le principe. Le piton off est là. Et troisième gros point positif pour Justin Trudeau, Twitter. Oui. Justin Trudeau, c'est le Rihanna, c'est le Madonna, c'est le Britney Spears du Canada. C'est lui qui a le plus de suiveurs au Canada. Mais on parle de rockstar quand on parlait de toi tantôt. Là, ouais, pas, non. Écoute, moi, j'ai regardé juste pour le fun, là, j'ai 687 suiveurs. Je suis quand même fier. Même fier pour un nobody. Je suis quand même fier d'avoir 187 plein de robots suiveurs. Plein de spam, mais sûrement plein de vrais gens non, aussi. Ça, non, ça, je fais le ménage. Ah oui. Ça, je fais, oui. Tu sais, des « Hi, how are you? Ben, » je le bloque. « Fine and you! » Oui, non. Donne-moi ta carte de crédit. Donc, moi, 687. Denis Coderre, qu'on aime tous, hein, oui. Qui est monsieur Twitter en personne, a 78 172 suiveurs. Même pas 100 000. Même pas 100 000. Même pas 80 000, Mathieu. Ouais. Justin Trudeau. Justin Waterhole. Hein? 149 850 suiveurs. Donc, lui, en un clic, il y a 200 000 personnes qui reçoivent son message. C'est le gars le plus lu, le plus suivi, le plus... Là, on présume que les gens qui vont sur Twitter, qui sont inscrits, lisent Twitter, ce qui est une petite minorité, j'ai l'impression. Des gens. C'est 200 000 personnes. Ouais. Au moins, là. Tu sais, ben, ouais. Oui, je suis bien du monde, puis je ne vais jamais lire. Mais bon, ouais, ça, c'est juste moi. C'est toi. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Mais les vrais Twitter maniaques, ouais. Moi, entre autres, j'ai lu ce message. Faudrait pas que je te lise. Mais, écoute, en un clic, mais le gros avantage, tu vas me dire, ouais, ben, comme Mathieu disait, 200 000 personnes qui suivent. Ça n'a aucun rapport. C'est moi-même, je le suis, puis je suis pas membre du Parti libéral. L'erreur est là. Au Parti libéral, ils vont faire comme en France. Ça va être un vote libre. Okay. Donc, il ne faut pas nécessairement être membre du Parti libéral pour élire le chef. Il faut être sympathisant. Donc, il faut juste s'inscrire sur une liste électorale du Parti libéral. Tu vas-tu le faire? Non, ça me tente pas d'avoir une tâche à mon dossier. Non? Non. Ah, parce qu'après ça, tu es associé un peu... Ça peut être déterré. Disons, si j'ai d'autres ambitions plus tard dans la vie, ça peut être déterré. Fait que je préfère garder un peu. Puis non, de toute façon, comme diraient mes bons amis, je ne vote pas pour un pays qui n'est pas le mien. Bon. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est les vents. C'est ça. Fait que je sais que je fais rouler des oreilles aujourd'hui, mais bon, c'est ça qui est ça. Je te suivais même pas. Tu me suivais même pas? Sous quel motif un autre article? Ouais, ça a l'air intéressant. J'écris à un journaliste de la Champagne. Oui, OK. Oh, oui, okay. Je suis assez... Je te regarde. Pas pire. Attention. Ouais. Donc, c'est un vote libre. Que Justin Trudeau pourra faire campagne sur Twitter parce que Twitter n'est pas régi par les règles budgétaires des élections. Donc, il peut faire ce qu'il veut sur Twitter. Peux-tu partir dans un PayPal puis shoot l'argent? Non, ça, c'est quand même rigide. Ah. Mais envoyer des messages, envoyer de la publicité, YouTube, c'est gratis. Faire une pub sur YouTube, c'est gratuit. Oui, ben oui. Sur la caméra, mais comme Facebook, c'est gratuit aussi. Oui, c'est ça. Donc, on peut, les politiciens peuvent utiliser, qu'on l'a vu dans la campagne électorale provinciale, les élections sur les réseaux 2.0, sur les réseaux sociaux 2.0, etc. le directeur des élections n'a aucune législation là-dessus. Okay. Donc, pour l'instant. Ouais, ça va peut-être venir. Il y a une problématique là que le DGEQ a vue. Ça va venir, ça mais va être... Non, en même temps, c'est gratuit. C'est ça. C'est gratuit. C'est comme le bouche-à-oreille. Ben, c'est tu fais du porte-à-porte, ils peuvent pas vraiment régler voilà, ça. T'as tout compris. Twitter, c'est le nouveau porte-à-porte. Facebook, c'est le nouveau... c'est comme ça que ça fonctionne. Exactement. Donc, Justin Trudeau, en ayant 200 000 personnes qui suivent, peut à chaque jour influencer 200 000 votants. Et on s'entend que... Faire connaître ses idées, ça peut être... Se montrer sympathique, sa belle bouille, puis sa famille, puis ce qu'on aime. Il y a de l'air sympathique. Écoute, puis c'est un jeune de la relève. Ce qui m'amène... Quel âge qu'il a, à peu près? Sais-tu en bas de 40? 42? Non, il est... chiffron 40 ans. Okay. On s'entend là-dessus. Chiffron 40 ans. Et il est conseillé par son jeune frère, Sacha Trudeau, qui est un génie de la communication. Il a fait plusieurs documentaires. Il est allé en Irak, il est allé en Afghanistan faire des documentaires anti-guerre. Et c'est son conseiller en communication. Donc, la chimie opère entre ces deux-là. Et Sacha Trudeau, j'ai beaucoup d'estime pour lui, pour son travail de réalisation qu'il fait. C'est une bête des communications. Donc, on s'attend qu'il va faire une très belle campagne. Ça va bien pour aller. Son frère aîné, disons. Retour d'ascenseur familial. Voilà. Dernier chef que j'aimerais parler, c'est Philippe Couillard. Philippe Couillard, l'ancien ministre de la Santé, qui se présentera officiellement, c'est pas encore fait, qui va se présenter dans les prochains jours ou semaines, officiellement à la tête du Parti libéral du Québec, qui se cherche un chef depuis la démission de Jean Charest au lendemain des élections générales. Philippe Couillard, ancien ministre des Finances, qui a quitté en 2008, le 25 juin 2008, et il avait dit, je quitte, j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, j'ai fait beaucoup plus que j'espérais faire, mais la porte n'est jamais fermée complètement en politique. Il avait dit ça en 2008. Et là, il revient, il gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appui. Peut-être pas des députés. Peut-être pas des... Il y a Julie Boulet dans la région qui l'appuie. C'est tout. Dans la région aussi. C'est tout. C'est dans la région. Daniel Saint-Amand, non? Daniel Saint-Amand à l'appui et Raymond Bachan. OK. Le, parce que là, c'est ça. Raymond Bachan se présente aussi. Philippe Couillard, Raymond Bachan et Pierre Moreau. Pierre Moreau va l'annoncer aujourd'hui même qui se présente officiellement. Pierre Moreau. C'est le beau bonhomme du parti. C'est celui qui a des complets à 100 000 piastres, là. C'est juste à la regarder, mais mon portefeuille saigne. C'est pas Moores. Non, c'est une gamme au-dessus. Trois, quatre gammes au-dessus. Ouais. OK, moi, ouais, je sais. Que... Oh. C'est ça, c'est lui. L'auto pas beau. Ah ben, un gars sélectif, tu sais. Donc, il va annoncer sous peu qu'il se présente. Et lui, qu'est-ce qu'il veut faire? C'est juste un temps d'arrêt. On veut dire, ça fait 9 ans qu'on est au pouvoir. Plus de 9 ans, c'est en 2003. 9 ans qu'on est au pouvoir. Prenons le temps. Prenons le temps. On n'est pas pressé pour se faire déclencher des élections. On va appuyer le budget. Probablement. Ou ils vont s'abstenir. Donc, les abstentions ont tard. Donc, elles ne seront pas prises en considération. Donc, ça se pourrait, sauf qu'ils pointent toute la gastro en même temps. Ça, c'est déjà vu. Oh ouais. Ça, c'est déjà vu. Va voir dans mon bureau, ça se voit. Bon, on revient là-dessus. On parle des chèvres, la bouillie. Ouais, de... okay. Et puis, donc, lui, un temps d'arrêt. Réfléchissons, réécrivons le programme du Parti libéral. Parce que Philippe Couillard, malgré ce qu'on en pense, c'est un homme de centre-gauche, mais dans le Parti libéral. Donc, il est à droite pour le commun des mortels, mais dans le parti, il est à gauche, l'aile gauchiste. Donc, ils sont pas de là à descendre dans les règles des casseroles, mais les programmes sociaux, pour lui, c'est important. C'est important. La médecine de première ligne, mais il est aussi pour le privé. Mais en autant que le privé ne vienne pas faire empiéter sur le public. Donc, le public d'abord, le privé... Dans le privé pour dégorger un peu. Pour dégorger, pour aider dans certains cas très spécialisés, comme exemple, les chirurgies de la hanche. Alors, on s'entend qu'il n'y a pas 100 000 cas par année. Il y en a peut-être un millier, mais au lieu d'aller au général, aller dans le privé là, mais c'est l'assurance publique qui va vous rembourser. Qui va payer. Donc, il est pour ça, lui, un système à deux vitesses, mais est régi. Ouais. Mieux encadré que ce que Charest voulait faire. Et c'est entre autres une des raisons pour lesquelles il a quitté en 2008, c'était que lui et Jean Charest s'opposaient farouchement sur la réingénierie de l'État, donc sur la dérive privatisation et vente à rabais, vente à petit feu des ministères. Ce que Charest et Monique Jérôme Froget voulaient faire à l'époque qu'elle était là, elle aussi. Donc lui, il veut ramener le parti un peu plus comme sous l'air Bourassa. Parce que, oui, il veut le recentrer plus vers la gauche, mais il s'est entouré de l'équipe, l'éminence grise de Robert Bourassa des années 80-90. Ils sont derrière Philippe Couillard et lui prêtent déjà un coup de main. Donc, ça va l'aider pas mal. Ça va beaucoup l'aider parce qu'on s'entend que la moyenne d'âge au Parti libéral, c'est environ 60 ans. Entre 50 et 60 ans. Donc, ils ont tous connu Robert Bourassa à un moment de leur vie. Et leur rappeler le Parti libéral, la grandeur du parti sous Robert Bourassa, il y en a bien qui aiment bien ça. Fait vont, ça paraît bien. Ça paraît bien. Ils veulent recréer l'ère bourassienne avec Couillard, donc Couillardise. Ah, wesh. Non, c'est pas bon. Couillardienne. Couillardesque. Couillard, ouais. Ah, ça sonne pas bien quand même. Philippe. Couilleuse. L'air Philippe. Et tu penses-tu que ça peut séparer le parti? Habituellement, ils sont très, très, très solidaires entre eux. Ouais, ils n'ont jamais eu de couronnement à part Daniel Johnson à l'époque contre Robert Bourassa. Il y avait une petite chicane de famille. Qui ont gardé ça dans ta chambre, puis tu reviendras pour souper. Et c'est toujours à l'intérieur. Pense à ce que t'as fait. T'auras pas de dessert. C'est ça. Exactement. Ça, c'est le Parti libéral. T'as résumé. T'auras pas de dessert. C'était pas de mon part. C'est exactement ça. Mais il y a une très bonne discipline de parti. Les députés vont jamais sur la place publique pour déchirer leur chemise, contrairement à l'autre parti politique qu'on aime bien voir se battre encore récemment dans la région au lendemain des élections, qu'à Noël-là, c'est pas fait nommer ministre. Ça, c'est le problème du Parti québécois. Le Parti libéral, c'est totalement l'inverse. On ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il va y avoir de la chicane? Peut-être pas la chicane, mais des gros yeux. Des gros yeux, des gros la yeux. Déception. La déception, beaucoup. Il y aura peut-être des démissions, un ménage interne, parce qu'habituellement, quand un chef arrive, il fait le ménage, il enlève tous les fonctionnaires qui ne sont pas de son bord. Ouais, sont c'est pas de son ça. Équipe. Tu t'es présenté contre moi. Ou les députés que tu t'es présenté pour l'autre, ben toi, tu vas rester backbencher. Ouais, c'est ça. Fait que ça restera à voir si Philippe Couillard gagne. On s'entend que Daniel Saint-Amand ici sera pas ben chum avec lui. Parce qu'elle, elle appuie ouvertement Raymond Bachan. Elle l'a dit dans les journaux encore un matin. Elle le dit dans les journaux. Elle appuie Raymond Bachan. C'est son mentor. Elle a le droit de l'appuyer, Raymond Bachan. Il y a de très bonnes chances de gagner, Raymond Bachan. Mais si Philippe Couillard gagne, en principe, je nommerais pas Daniel Saint-Amand ministre ou il pourrait y donner une petite job. Julie Boulay, là. Julie Boulay appuie Philippe Couillard. Donc on s'entend. OK. Oui. Ben, elle est en pharmacie, puis lui, il est médecin. Donc, ils ont des connexions. Ils se comprennent bien. Quand ils vont souper ensemble, ils se parlent d'entrailles et de pilules. Tu sais, ils se comprennent. Fun. Ben oui, ils vont souper. Prends ça, cette pilule-là, tu vas voir. Ah ouais, ça pourrait mener à des choses. Hein. Donc ça, on va savoir très bientôt qui seront les trois officiellement. Donc Philippe Couillard va l'annoncer. Là, il tente le terrain. OK. Puis jusqu'à quelle date? Est-ce que tu le sais? C'est... Il n'y a pas de date encore. Okay. J'aimerais te le dire. Il n'y a même pas de règle d'encadrement de la course parce que Philippe Couillard, il n'est pas pressé. Il dit, moi, ça serait dans un an, dans 10 ans, ça ferait bien mon affaire. Puis, 10 ans, j'exagère un petit peu. Oh, tout à fait. Mais prenons notre temps. Puis l'équipe derrière lui aussi, prenons notre temps. On va se placer. Oh, oui. Faisons un vrai débat d'idées à l'interne. Allons chercher des vrais appuis, du financement. Redonnons aux Québécois confiance au Parti libéral parce qu'avec la commission Charbonneau, avec... C'est pas fini, la confiance. Ça a fait juste commencer. Ouais, hier, c'était le plus croustillant depuis le début. Là, on a vu de l'échange... Des vidéos? Oui, des vidéos. On aime ça, les vidéos. On est voyeurs, nous autres, au Québec. Hein? On aime ça, les vidéos. Ouais, le gars qui sort une liasse de billets verts de son bas de laine. C'est fou, hein, quand même. Là, il sort de son bas puis il le donne au chef de la mafia. Il dit, OK, Omerta, là, c'était pas de la fiction. Là. Non. C'était ça. Quand le vieux, ça commence à être croustillant, puis je commence à saliver un petit peu. Donc, ça va être très agréable de voir ce qui va arriver, surtout si les politiciens vont commencer à être entachés dans pas long. Hier, c'était des tout chefs. Tout le temps, ouais, c'est ça. Puis le fonctionnement, un peu, comment on est encore dans cette période-là. Donc, mais c'est pour ça que le Couillard dit prenons notre temps, on n'est pas pressé, parce que s'il me fait nommer chef, puis le parti est éclaboussé, on s'entend que c'est lui qui va ramasser. Ça, il tente pas. Le reste de la gastro. Tandis que Raymond Bachand, lui, il veut se faire élire là. Il veut être le ça chef. Presse. Là, ça presse. Puis lui, c'est un petit pressé, là, un petit. Ben, le désir de pouvoir, écoute. Écoute, c'est au bout de ses doigts, là. Et on s'entend que dans un gouvernement minoritaire, tout peut arriver. Donc, le gouvernement peut tomber demain matin, comme ça peut tomber dans un an. Donc, Raymond Bachand veut être déjà en selle, avoir son équipe prête pour devenir premier ministre du Québec. C'est le poste ultime pour tout Québécois s'intéressant, se présentant en politique. Il veut devenir premier ministre du Québec. Il veut être le super-héros. Si Bachand est un super-héros, il pourrait être Bachman. Puis là, il y aurait une bâche ceinture. Une bâche mobile. Une bâche cave. Bâche cave. Ouais. Puis des bâches bobettes par-dessus. Des bâches bobettes. Puis. J'aime pas l'image. On a un concept. Ouais. Mais. et Pierre Moreau, qui lui, pépère, dans l'ombre un peu, mais absolument, faut pas sous-estimer ceux qui agissent dans l'ombre. Ouais, peut-être. Pierre Moreau, écoute, tu peux peut-être nous le rappeler, là, ça me revient pas. Il est député, il est ministre. Il est dans Châteauguay. Ancien, il était à la conférence des recteurs avant. Tu sais, c'est un gars qui provient du milieu de l'éducation. C'est un juriste. Et un juriste, un avocat. Très reconnu, très aimé, puisqu'on le paye bien. Là. Apprécié. Très bon. Ouais. Disons là, comme ça, très bon. Il gagne ses causes. Et lui a toujours été un fidèle de Jean Charest. Toujours. Okay. C'était pas nécessairement le goon, mais celui qui avait pas peur de mettre ses tripes à la table pour aller se battre pour avec Jean Charest. Ouais, okay. Oh, oui, peut-être pas avec, mais pour Jean Charest. Donc là, en fait, si on part de cette prémisse-là, Jean Charest pourrait peut-être faire pression pour appuyer... En théorie, Charest a dit « Moi, je m'en mêle plus. J'ai quitté, il s'en va. » Mais on sentait que théorie, le téléphone, ça existe encore, puis je soupçonne Jean Charest d'avoir Facebook. Il peut envoyer des petits courriels à ses amis pour dire « Allez liker la page de Pierre. » Moi, c'est mon préféré. Mais c'est sûr qu'il n'appuiera pas officiellement devant les médias. Non, personne. Ça va lui nuire s'il fait ça. Ben oui, parce que si, admettons, on dit « OK, Jean Charest aime Pierre Moreau », le Québec n'aime pas Pierre Moreau. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, on verra pour la suite des choses. Mais ça me surprendrait qu'il prenne position, il va se retirer dans ses terres. Okay. Il y en a déjà qui le voient comme chef du Parti libéral du Canada. Il a été approché. Jean Charest? Oui, il a été approché. Salut dans le pot. Il a toujours voulu être premier ministre du Canada. Il a toujours voulu ça. Ça paraît bien. Dans sa biographie, il l'avait dit clairement. Oh, ouais. Je veux être chef de l'État canadien. OK. Mais là, avec le Parti libéral du Canada à reconstruire contre Stephen Harper, donc contre son ancien parti, n'oublions pas que Jean Charest est un ancien conservateur, est-ce qu'il va vouloir... Et la commission aussi qui va l'entacher. Oui, qui va être suivie au Canada. Pour Jean Charest, c'est un petit jeune. Il a quoi, 56 ans? En politique, c'est extrêmement jeune. Donc, il va prendre, selon moi, moins de 10 ans, là, mettons une dizaine d'années, pour se refaire une beauté et revenir en force à l'âge de 60, 62 ans, pas dans deux élections, pour dire « je me représente », ça me surprendrait même pas. Au fédéral, là, au fédéral, ça me surprendrait même pas. Parfait. Mais là, tout dépendant si Justin est encore là, si Justin est fort. Ça dépend pour quel parti aussi. Est-ce que le Parti conservateur va se déchirer parce que là, il y a un clash entre l'extrême gauche. L'extrême droite et la droite extrême au Parti conservateur. Il y a une différence, peut-être. Il y a une petite différence que. L'avortement ou pas, là. Entre autres là-dessus, c'est surtout les groupes religieux contre les conservateurs. C'est plutôt ça. Parce que Stephen Harper est sur un siège éjectable et c'est Jason Kenney qui se déclare ouvertement en course au leadership. Qui lui a voté hier pour la motion à Ottawa puis a dit moi je veux devenir premier ministre du Canada. Donc il est déjà en compétition contre son propre chef. C'est pour ça que Stephen Harper, c'est délicat. Tout ça mis ensemble fait en sorte que y a un gros brassage de cartes actuellement au Canada. C'est compliqué. Je sais que ma chronique n'est pas très cohérente aujourd'hui. C'est parce que c'est tellement. Il y a tellement de liens à faire que le petit doigt levé à quelque part a une influence directe. C'est l'effet papillon. Oui. Il y a un souffle, un papillon qui bat des ailes au Brésil, c'est une tornade au Colorado. Donc c'est le même principe en politique au Canada. Quelqu'un lève le petit doigt, c'est une répercussion l'autre bord du pays. Donc, je vais tenter de démystifier le tout, mais pour la course, pour l'instant, je vais revenir à la course Parti libéral du Québec prochainement, donc on aura les candidats. Puis, on verra ce que la commission Charbonneau va venir influencer. Ouais. À chaque semaine, des surprises. Ouais. Ah, écoute, c'est ça qui est magique. C'est pour ça qu'on aime t'avoir pour comprendre ces affaires-là. Moi, j'aime t'avoir pour me comprendre, des fois. Donc, François Landry, on te suit sur Twitter, @Attache-Pau. Attache-Pau. Ouais. C'est pour attacher politique de l'AGE, attache pour. Ouais, mais j'écris en mon propre nom, c'est marqué en tout petit en dessous. Là. C'est juste que personne ne connaît ça, F. Landry. Non. Car il y a attache pour. Pourtant. Ça pourrait être B. Landry. Bernard. Non. Landry. Il n'est pas sur Twitter, lui. Non. Il y a des faux comptes à son nom, là, mais il n'est pas sur Twitter. Il y a des faux comptes à son nom. Ah oui. C'est tout François qui est parti. Sur mon nom. François Landry, jeudi prochain à 8h30. Aucune relation avec Bernard, malheureusement ou heureusement. Ni Maxime. Ça, il faut le rappeler, Maxime Landry. Non. On n'a aucun air de famille. Même entre les deux oreilles, rien de similaire. À jeudi prochain. Génial. Merci beaucoup. Merci François. On va terminer l'émission de cette semaine, en fait, l'émission d'aujourd'hui, mais la semaine au complet ici. Et on se retrouve lundi de 7h à 9h. Oui, lundi, on va recevoir Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante. On va nous parler du Bureau de la réussite étudiante. Le Bré. On a aussi Sébastien Duluth qui va continuer son aventure dont vous êtes le héros. Ce sera la deuxième partie. Et Alexandra Carignan qui sera avec nous pour parler d'art et spectacle et les articles qu'elle couvre dans le journal Zone Campus. Et éventuellement aussi, on parlera du nouveau Zone Campus peut-être lundi ou mardi dans ces coins-là. Ouais. Restez sur nos ondes assez fous cet après-midi. Commençons à 11h avec le dîner de cons et Danny Janvier. Toujours excellent. Ensuite, dégustation de bière aujourd'hui. Oui, de la barrique. Oui, exactement. La barrique. Je serai de retour à 15h pour les palmarès et fous avec Alexandre Carignan, un décompte rempli de... Olé, olé. Il y a plein de chroniques là-dedans aussi. Justine Renaud va être avec nous aujourd'hui. Et plus tard en soirée, à 19h, c'est 13e étage avec de l'électro-jazz éclectique. Et à 21h, la nouvelle émission électro-tactile avec de l'électronique. Voilà. Passe une belle fin de semaine. François, toi aussi. Merci. Toi aussi, Mathieu. Ça, François. Merci à Civelle and the Bad Habits. Oui. Merci à Michelot. Ben oui. Formidable. Merci à vous, les Roquets, d'avoir été là. On se quitte avec du Parler et la pièce Holding On to Something. Accrochez-vous à quelque chose pendant que vous l'écoutez, puis ça va avoir un rapport avec le titre. Ou pas. Jimmy Dunn.